alors que pendant une semaine, Nemo reste invisible, le professeur entame le compte-rendu écrit de ses aventures. À la fin de cette semaine, par un billet écrit en français, Nemo invite le professeur et ses compagnons à une chasse dans les forêts sous-marines de l'île Crespo. Au cours du déjeuner précédant cette chasse, Nemo explique au professeur tout le matériel, éclairage, respiration, armement, nécessaire à cette chasse.